Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et cette semaine, sujet grave puisqu'on va parler de botulisme aviaire et de la crise qui a lieu au canal de Brière. Comment ça va Sophie? Écoute, ça va très bien. Enfin, pour le moment, le botulisme n'a pas touché. C'est compliqué en ce moment, puisque les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais j'ai des soucis techniques. Donc, malheureusement, j'ai pas la possibilité de monter les épisodes comme on le promet, à savoir un par semaine. Donc, du coup, veuillez m'excuser pour le retard qui a lieu en ce moment. Mais voilà, sachez que j'essaie de tout faire, de tout mettre en œuvre pour rattraper, comment dire, les différents sujets. Et aujourd'hui, bon, on va parler d'un sujet sérieux, pour le coup, Sophie, puisqu'on va parler de botulisme aviaire. J'ai parlé de canal, mais non, on est bien dans la réserve naturelle de Grandlieu, et on va parler de la réserve de la Brière également, près de Nantes. Et ça, ce sera dans la première partie de l'émission. Et toi, Sophie, tu vas nous parler de quoi ? Moi, je vous parlais des écosystèmes pour changer, et surtout de la disparition des oiseaux insectivores et des conséquences que ça a sur l'écosystème en général, les insectes, mais aussi les plantes. On va parler donc de disparition, un sujet que nous n'avons jamais abordé dans le courrier de la Sterne, bien sûr. Jamais. C'est bon, malheureusement, c'est la situation qui est comme ça, mais j'ai quand même de bonnes nouvelles dans la rétro piou piou. Eh oui. Eh ben, bah, c'est bien ça. On peut en avoir. Bah, je vais commencer du coup. Et tu te rappelles qu'on avait parlé du kiwi de Owen. Oui. Il y a quelques épisodes de cela. Mm-hmm. Alors peut-être que l'épisode ne sera pas diffusé sur le kiwi de Owen, étant donné qu'on est sur un sujet un peu plus d'actualité. Donc je vais essayer de faire en sorte que le montage de cet épisode sorte avant les autres. Mais grosso modo, le kiwi de Owen était une espèce de kiwi qui était très difficile à trouver. Et on a réussi à retrouver le kiwi sur le continent. Il est présent dans plusieurs îles, petites îles de la Nouvelle-Zélande. Mais sur les îles principales, il n'avait plus été revu depuis quelques décennies. Et bien donc on a réussi à retrouver cet oiseau. Et bien Sophie, on a bis repetita, mais pas cette fois-ci avec un kiwi, avec un hyménolème bleu. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'hyménolème bleu ? Non, dis-moi tout. Non, et bien il s'agit d'un espèce de canard. Alors oui et non, parce que c'est ça la classification. Oui et non, comment ça ? C'est pratique, ça c'est pratique. Alors, ça. Il avait été classé dans les canards de surface. Voilà, donc ouais. Les canards de surface, c'est les canards qui montrent leurs fesses lorsqu'ils sont en train de chercher de la nourriture. Finalement, il a été classé dans les tadornes aberrants. Voilà. D'après ce que j'ai trouvé sur internet. Donc tadorne, vous en voyez peut-être tadorne, de temps en temps. Lorsque vous vous baladez dans des parcs ou même sur des lacs, puisqu'on a le tadorne de Belon et puis oui. On a le tadorne Casarca qui lui est un oiseau un petit peu plus rare et qu'on voit souvent en captivité d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs très marrant parce que l'article sur Wikipédia, qui vaut ce qu'il vaut, parlait du fait que l'hyménolème bleu était un canard étrange. Voilà, c'est vraiment le terme étrange. Ok. Étrange. Pauvre bête. Donc, bon, pourquoi je parle de cet oiseau ? Eh bien, tout simplement parce que celui-ci avait plus été retrouvé depuis plusieurs décennies sur, justement, l'île du Nord, donc la grande île de la Nouvelle-Zélande. On est dans le secteur de Ten Miles Stream. Et pour la petite histoire, eh bien, c'est un chien qui les a retrouvés. Et ce chien porte le nom de Tui. Voilà. C'est un chien qui est entraîné à retrouver les odeurs de ces oiseaux rares. Et donc, à partir d'une plume, il a retrouvé plusieurs individus, 7 oiseaux au total. Il parle d'adultes et de jeunes, mais il ne précise pas combien d'adultes et combien de jeunes. Et oui. Mais voilà, c'est une très bonne nouvelle de revoir cet oiseau. Et je ne savais pas que des chiens étaient entraînés à retrouver des oiseaux rares. Ça, c'est aussi dans cette petite histoire, voilà. Mais c'est super intéressant. Et toi, Sophie ? Ben moi, on peut continuer sur les oiseaux rares si tu veux, parce que là, on va parler d'un oiseau cette fois-ci qui est aux US, qui s'appelle le pic à face blanche. Donc voilà. Alors, pas le pic à bec ivoire, hein, ne nous plantons pas. Donc, non mais je te sens venir, je te sens venir. Non mais, donc... non mais on l'a repeint, en fait on l'a repeint, c'est tout. Ah c'était ça. Ouais. Ah, première donc... fois que j'entends parler de cet oiseau, dis donc. Ah ouais ? Bah c'est pas étonnant parce qu'il est pas très très... Il y a pas beaucoup de couples dans la nature. Pourquoi ? Parce que en 1900, dans les années 80, on comptait plus que à peu près des oiseaux sur 3% de son ancien aire de répartition. Donc en gros, la répartition de l'oiseau comparée à son aire de répartition historique, disons, avait diminué de 97%. Ah oui. Okay. Ce qui fait quand même pas beaucoup d'oiseaux restants. Donc, à titre d'exemple, en 85, en Caroline du Sud, il ne restait plus qu'un couple de reproducteurs et deux mâles. Sur à peu près 3 sites. Ce qui n'était pas beaucoup, quand même. Donc, ils ont mis en place un programme de conservation. Et il se trouve que ce programme de conservation a plutôt bien réussi, parce qu'aujourd'hui, eh ben, on réussit à avoir beaucoup, beaucoup de ces oiseaux-là qui se trouvent dans une réserve en particulier, une réserve qui n'est pas n'importe laquelle, c'est l'Avon's Park, en Floride. Et en fait, cette réserve, c'est une ancienne base de l'US Air Force. Et c'est à peu près une quarantaine, ou je sais plus exactement, entre 30 et 40 000 hectares. Et sur cette réserve bien spécifique, on a récupéré, alors ils n'y étaient pas originellement, mais ils ont importé donc de ce pic à face blanche une quarantaine d'individus au total, notamment dans les années 1998 et un petit peu après juste les années 2000. Ils ont importé donc des individus de cette espèce de pic pour qu'ils se reproduisent dans ce parc, dans Avon Park, et pour installer une population ici qui pourrait servir de population de survie en quelque sorte, parce que vu qu'il restait pas grand chose dans tous les US, et ben au moins cet endroit-là était plus ou moins ok pour ces oiseaux pour s'y reproduire, et ça a marché parce que maintenant à peu près 70% de ces oiseaux qui ont été amenés donc dans cette réserve ont survécu à leur intégration dans la réserve. Et aujourd'hui, ils forment la plus grosse population de ces oiseaux-là sur le continent américain. Fantastique. Donc c'est quand même assez incroyable. On a une estimation de cette population-là ? Alors, je n'ai pas exactement l'estimation, mais il semblerait que l'espèce soit hors de danger pour le moment, à condition évidemment que rien ne se passe dans cette réserve. Parce que comme d'habitude, quand on met tous nos œufs dans le même panier, on sait ce qui se passe. Voilà. Mais bon, en tous les cas... C'est la réserve majeure de ces oiseaux-là. Et alors, l'estimation au total, c'est qu'on a à peu près 12 000 oiseaux en Floride et en Virginie, et un petit peu au Texas aussi. Énorme. C'est énorme. Et donc, ça fait quand même pas mal. Donc, on est très contents de ce qui se passe. Voilà. Le programme a commencé, tu as dit, fin 90, c'est ça ? Début des années 90, et puis après, ils ont commencé à importer des oiseaux. 12 000 espèces en l'espace de 30 ans, c'est énorme. Hein. 12 000 individus au total. Alors, au total, hein, sur toute leur aire de répartition actuelle. Donc, je ne sais pas exactement combien il y en a dans cette réserve en particulier. Mais bon, ça augure bien de la suite, et ça c'est top. Ah, bah, c'est une bonne chose. Sophie, si tu reviens en 2027 en France, ce que je te souhaite. Oui. Eh bien, tu auras peut-être l'occasion de mettre là-bas sur des billets à l'effigie des oiseaux. Voilà, des billets de banque. Trop bien. Puisque donc la Banque Centrale Européenne a émis l'idée d'un tirage spécial de billets sur le thème « Rivière et oiseaux ». Alors, en réalité, c'est une décision qui a été prise fin 2023. Et d'ailleurs, je me demande si on n'en avait pas déjà parlé dans un précédent épisode du Courrier de la Sterne, peut-être. Eh bien, il faut savoir que le concours a réellement été lancé. Les designs peuvent être transmis jusqu'au 18 août. Étant donné qu'on enregistre le 11 août et que l'épisode sortira dans au minimum 2 semaines, vous ne pouvez plus participer. Et si j'ai parlé de 2027, bah, c'est parce que la décision et la mise en service de ces nouveaux billets n'interviendra que fin 2026, à la suite d'une consultation publique. Voilà. D'accord. À noter qu'il y a un autre thème qui est baptisé culture européenne, qui est également proposé. Alors, je ne sais pas si les deux thèmes vont être concomitants ou si en réalité un seul des thèmes va être choisi sur les deux. Mais voilà, sachez que cette idée de billets à l'effigie des oiseaux, donc des billets de banque de 5, 10, 20, 50 euros, eh bien, pourrait être proposée à la vente très vite. Donc, d'ici 2 à 3 ans, on pourrait peut-être se retrouver avec du martin pêcheur ou je ne sais quel autre oiseau des rivières, peut-être de la bergeronnette des ruisseaux, peut-être du héron cendré, je ne sais pas. Attention. Il y a des oiseaux que tu aimerais voir, Sophie, toi, quand je te parle, quand je te dis rivière et oiseaux en Europe, est-ce qu'il y a des oiseaux qui te viennent en tête? Rivière et oiseaux, bon, évidemment, un martin pêcheur, ce serait quand même la base. Une petite bergeronnette des ruisseaux, peut-être, quelque chose comme ça, ce serait sympa. Moi, j'aime bien les bergeronnettes, je trouve ça mignon. Ok, d'accord. Finalement, un peu les mêmes choix que moi, du coup. Oui, certainement. Voilà. Peut-être des anatidées, peut-être. Ouais. Ouais, je suis moins canard, je t'avoue. Moins canard. Ouais, un peu moins. Mais pourquoi pas, c'est vrai qu'un petit. Justement, un petit adorne, ça pourrait être sympa. Bientôt la tier list, vous savez désormais que les canards ne sont pas portés dans le cœur de l'équipe du courrier de la semaine. Mais... C'est pas ce que je préfère, ça reste quand même des trucs à plumes, mais j'ai un petit faible pour les passereaux quand même, voilà. C'est normal, c'est notre vie, les passereaux. Exactement. Sophie, peut-être une dernière actualité, moi en tout cas j'ai terminé de mon côté. Eh bien on va parler de l'aigle de Bonelli. On va revenir en France pour ce cas-là, parce que on a un petit article d'Ornithomédia, daté du 30 juillet, qui nous dit, avec beaucoup de joie et de bonheur, que la population française d'aigles de Bonelli a dépassé enfin les 50 couples en France. Alors en France uniquement, hein, on parle pas de la population totale en Europe, parce qu'en Europe, on est plus autour de 1100-1200 couples au total, donc c'est déjà pas mal. Mais en France, on était descendu jusqu'à à peu près une vingtaine de couples autour des années 2000, un petit peu avant. Et c'était bien triste, notamment à cause des pesticides et de tous les problèmes qu'ils pouvaient avoir, que ce soit par exemple de la perte d'habitat ou même des rencontres avec des éoliennes, hein, d'ailleurs. Donc, beaucoup de mortalité. Et cette hausse du nombre de couples d'aigles de Bonelli en France, ça veut dire non seulement que les programmes de conservation fonctionnent, mais aussi que l'oiseau se plaît à nouveau chez nous et qu'il trouve des endroits où nicher, et ça, c'est plutôt top. Eh bah super! Super bonne nouvelle qui va nous permettre de conclure cette rétro-piu-piu et de passer aux sujets les plus importants après une petite coupure. C'est dans l'actualité l'information la plus importante à retenir, nous passionnés d'ornithologie, nous passionnés d'oiseaux en France, avec donc cette épidémie, qui sévit dans le marais de la Brière et la réserve naturelle de Grandlieu, une épidémie de botulisme. Une épidémie de botulisme qui a environ touché 7000 oiseaux qui auraient été retrouvés morts de toutes les espèces. Alors, première chose à savoir, très importante, c'est que le botulisme aviaire, puisque c'est une maladie qui a été particulièrement identifiée, n'est pas transmissible à l'homme, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre évidemment des pincettes lorsque vous avez à manipuler ces oiseaux, parce que on a des personnes qui travaillent d'arrache-pied dans les différents secteurs pour retirer les oiseaux, quoi qu'il y en a un petit peu moins en ce moment, puisque les températures avaient baissé ces derniers jours et donc il y avait eu beaucoup moins de cadavres qui ont été retrouvés. Mais avec la sécheresse qui est annoncée dans cette deuxième partie dans cette deuxième partie estivale, il se peut qu'on retrouve à nouveau des cadavres. Donc évidemment, faites très attention si vous devez manipuler des oiseaux, on ne le rappellera jamais assez. Botulisme aviaire, qui n'est pas une maladie très rare, puisque chaque année, dans les eaux justement du marais de la Brière, on a quelques pertes qui sont généralement limitées à quelques centaines d'individus. J'ai pu trouver des informations, Sophie, sur le fait que c'était une maladie très très répandue dans le milieu aviaire. Est-ce que tu acquiesces à cette information ? Très répandue, ça dépend des endroits. Mais après, elle est suffisamment répandue pour qu'il y ait tout un... comment dire, toute une tout un diagnostic et surtout tout des tas de mesures de précaution à mettre en place. Donc on a de la prévention pour le contrôle de la maladie qui doit être mise en place normalement dans les élevages, donc c'est suffisamment répandu pour que normalement on connaisse les règles à mettre en place. Donc comment se manifestent eh bien les symptômes de ce botulisme aviaire? Eh bien ce sont des oiseaux qui meurent très généralement d'arrêt respiratoire ou de noyade, puisque dans le cadre des oiseaux d'eau, eh bien les oiseaux finissent tout simplement par se noyer. Tous les oiseaux sont victimes, on parle évidemment d'oiseaux d'eau parce qu'on est dans les marais, mais en réalité les rapaces qui se nourrissent des cadavres, eux, peuvent par la suite eh bien transporter la maladie, et les passereaux qui eux se nourrissent des insectes des cadavres peuvent également aussi attraper la maladie. Donc c'est une véritable course contre la montre qui a commencé dans les marais pour éviter la propagation de la maladie, et donc on a retiré les cadavres au fur et à mesure des différentes journées. Jusqu'à 400 cadavres par jour avaient été retirés au plus fort de l'épidémie, qui, je le rappelle, n'est pas encore terminée. Ce n'est pas parce qu'on est dans une descente épidémique que celle-ci est particulièrement maîtrisée. Toute cette épidémie, on la doit à une bactérie, Clostridium botulonium, que vous connaissez sans doute, qui se retrouve naturellement dans les marais, mais à cause de pas mal, on va dire, de phénomènes qui se sont quelque peu télescopés, on a eu une épidémie assez importante portée par de fortes chaleurs en juin, deuxième mois le plus chaud depuis les relevés météo après 2003. On était à 3,3 degrés au-dessus de la normale, ce qui est absolument gigantesque, avec deux pics de chaleur remarquables, un aux alentours donc de la mi-juin et un plutôt fin juin, qui ont fait baisser le niveau de l'eau, favorisant donc la stagnation de l'eau et donc le développement de la bactérie. Donc voilà un petit peu comment ça se met en place justement cette toxine botulique. Et bien évidemment, avec le réchauffement climatique, eh bien le phénomène risque de s'aggraver, puisque si on a à nouveau des fortes chaleurs et on a à nouveau une eau stagnante, eh bien on pourrait avoir d'autres oiseaux qui pourraient à l'avenir être touchés. Alors on a quand même des oiseaux qui ont été transférés en centre de sauvegarde, notamment à Faunalis, à Saint-Mars de Coutet, où on injecte du charbon actif. Je ne connaissais pas cette histoire, qui permet de fixer la toxine pour l'éliminer, et évidemment on nourrit les oiseaux pour que ceux-ci reprennent des forces, puisque avec la paralysie ceux-ci ne sont plus capables de se nourrir correctement, et donc ils sont obligés d'être nourris à la main pour évidemment être par la suite en de meilleures conditions et favoriser un relâcher d'ici quelques semaines. Mais dans une période généralement estivale où on a beaucoup de problèmes liés aux oiseaux, notamment lors des fortes chaleurs, ça fait toujours du travail de plus pour ces centres de sauvegarde, et on ne le remerciera jamais assez de tout le travail qu'ils sont capables de faire sur ces situations de crise là. Donc ça c'était pour, on va dire, les causes de cette épidémie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le marais de la Brière, en réalité, c'est une situation un petit peu compliquée au niveau de toutes les personnes qui cohabitent quelque peu, puisqu'on a du voisinage de chasseurs, de pêcheurs, des riverains bien sûr, mais aussi des agriculteurs. Et il faut savoir que les 7000 hectares du marais de la Brière forment une zone qui appartient aux habitants des 21 communes depuis le 15e siècle. Donc les habitants qui justement vivent possèdent des terres dans ce marais, et forcément chacun a des besoins spécifiques, et il est extrêmement difficile de se mettre d'accord sur les besoins ou les non-besoins de chacun et de chacune, puisque d'un côté on va avoir besoin que les riverains aient l'eau la plus basse possible pour éviter les inondations, ce qui est logique, mais de l'autre les agriculteurs ont besoin quand même justement d'eau pour pouvoir réaliser des pâturages de manière correcte, les chasseurs ont évidemment besoin de l'eau pour faire venir les oiseaux d'eau, et notamment lors des périodes de chasse, évidemment. évidemment, les pêcheurs, bien sûr, eux ont besoin d'eau pour pêcher. Donc, il faut mettre tout le monde d'accord. Et le problème, bah, c'est que mettre une certaine situation en place exige le fait que les gens puissent se rencontrer. Et c'est un véritable problème puisque personne n'arrive à se mettre d'accord sur ce genre de choses-là. Alors, il y a un règlement qui avait été constitué par le syndicat du bassin versant du Brivet, le SBVB, qui est conjointement avec la commission syndicale de la Grande Brière Motière, ont rédigé justement ce règlement. Mais ça reste, malgré les objectifs, quelque chose de particulièrement difficile justement à chorégraphier pour les gens. Et ça va être d'autant plus intéressant que, dès le 2 septembre prochain, il y a une réunion de crise qui va être faite pour tirer, entre guillemets, les leçons de cette épidémie. Mmh. Leçons qui ne sont pas encore achevées, puisque on redoute désormais que l'épidémie se transmette aux oiseaux migrateurs. Donc c'est aussi pour ça qu'on retire les cadavres le plus rapidement possible et qu'on essaie de faire la chasse sur les 7000 hectares de la Brière, mais aussi de Grandlieu, puisque Grandlieu est aussi touché. C'est éviter justement que les oiseaux migrateurs qui vont venir en septembre vont être contaminés également par ces eaux ou par ces animaux qui auraient pu être intoxiqués et transmettre à leur tour le botulisme aviaire. Et là, ce serait une catastrophe puisque on ne maîtriserait absolument plus la maladie. On est dans une situation de crise qui n'est absolument pas réglée et qui va sans doute s'aggraver puisque, comme je l'ai dit précédemment, on est en période de canicule avec des températures qui vont être très élevées, qui vont favoriser à nouveau la stagnation de l'eau et la faible hauteur des niveaux d'eau du marais. Voilà donc pour cette histoire de botulisme aviaire. Est-ce que Sophie, toi, tu as des choses à rajouter? Peut-être as-tu déjà été confrontée justement à ces cas de botulisme aviaire. Visiblement, tu avais l'air surprise quand je disais qu'on injectait du charbon actif aux oiseaux. Donc peut-être que tu n'as pas vraiment pris part à ce genre de crise là. Non, pas exactement. Moi, je connais une sorte de traitement antibiotique qui avait été utilisé, c'est des lactamines qui sont données dans ces cas-là aux oiseaux. Alors ça, c'est plus dans l'industrie de la volaille qu'on donne ce genre de choses. Et puis après, comme tu disais, élimination des cadavres aussi rapidement que possible et incinération généralement pour éviter la transmission des germes, comme tu le disais, aux insectes ou est-ce qu'ils pourraient venir manger les cadavres d'ailleurs. Donc voilà. Et je sais aussi que dans l'industrie, t'as le choix, ça dépend de à quel point ton élevage a des problèmes, mais il peut arriver qu'on te demande d'abattre tout ton hangar complètement pour être bien sûr d'abattre la maladie en même temps et après de tout dénoyer. Il y a tout un protocole de désinfection, etc. Mais le charbon actif, j'avais pas encore vu. ça fonctionne bien. Bah écoute, visiblement, ça a l'air de bien fonctionner puisque les oiseaux se rétablissent plutôt rapidement. Il y a aussi un truc qui est très important à préciser, c'est qu'on a aussi des oiseaux qui sont dans un tel état qu'il est préférable de les achever. C'est malheureusement des oiseaux qu'on ne peut pas sauver hein, lorsque la toxine a fait effet de manière particulièrement sévère. Il n'y a pas d'autre choix que d'éliminer les oiseaux. Donc, ouais. Donc voilà, il y a aussi dans ce compte des 7000 oiseaux qui ont été retrouvés dans le marais, il y a aussi des oiseaux qui ont été achevés. Plus, on va dire, de dignité d'une certaine manière, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre chose à faire, d'autres solutions à avoir que celle-ci. Donc, hélas. Et voilà, je pense pour le point sur cette épidémie. Donc, 7000 oiseaux, c'est pour l'instant un chiffre assez vague. Hein. Je pense qu'on aura des estimations beaucoup plus précises une fois qu'on aura été à la fin de l'épidémie. Quand bien même là, comme je l'ai dit, on est sur un ralentissement. Mais voilà, avec à nouveau les températures qui vont s'élever, il se peut qu'on reprenne de plus belle. Oui. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de... C'est inquiétant. Beaucoup de paramètres à gérer. Et, encore une fois, on salue toutes les personnes qui sont sur le front, qui sont chasseurs, pêcheurs, naturalistes, bénévoles également, puisqu'on a des bénévoles qui viennent de villes alentours, notamment de Nantes, hein, puisque Nantes est à une, une trentaine, une quarantaine de kilomètres de la Brière. Donc on a des gens effectivement qui viennent prêter main forte pour retirer les oiseaux du marais ou au contraire les amener dans les centres de sauvegarde. Donc voilà, plein de courage à toutes les personnes qui sont en train de traverser cette période difficile. Qui on l'espère ne se renouvellera pas de sitôt. C'est l'épidémie la plus violente qui avait touché le marais de la Brière depuis 30 ans. Voilà. On espère que ça va passer. Pour le caractère remarquable de l'épidémie en question. À savoir aussi pour le botulisme, si vous suspectez un cas de botulisme aviaire, c'est ce qu'on appelle une maladie animale réputée contagieuse. Du coup, c'est obligatoire de le déclarer à la police sanitaire ou au MADO. Donc, une maladie à déclaration obligatoire. Voilà. Donc, c'est suffisamment embêtant pour qu'on soit obligé d'en arriver à des mesures de déclaration comme ça. Ça pose pas mal de problèmes. Mais comme tu l'as dit, ça se transmet pas à l'homme pour le moment. Pour l'instant, oui, ça va. Il y a toujours le fameux pour le moment. Voilà. Mais le saut de puce entre Clostridium entre l'oiseau et l'homme est beaucoup plus difficile à faire puisqu'on est sur une bactérie et non sur un virus. Donc on est sur un autre mode de transmission pour le coup, là où le virus peut muter plus facilement que la bactérie. Ouais. Tout de même qu'il y a eu des cas de botulisme bovin cette fois-ci qui ont été décrits. Alors, il me semble que les bovidés avaient pâturé sur des champs sur lesquels on avait mis des litières de volailles qui, on s'en est rendu compte plus tard, étaient atteintes de botulisme. Ces bovins donc avaient récupéré le botulisme, on suppose, suite à ça. Hein, c'est une supposition, on n'en est pas sûr. Donc il est possible qu'il y ait des transmissions dont on serait pas forcément au courant, qui sont très exceptionnelles, mais il y a des possibilités. Donc dans le but d'éviter toute crise sanitaire suspectée, merci de faire attention quand vous touchez des animaux qui sont malades. Voilà. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'épidémie de botulisme qui frappe actuellement donc le secteur de la Brière. On va se retrouver juste après une petite coupure pour parler d'un autre sujet. Sophie, après avoir parlé d'épidémie, on va parler d'oiseaux qui disparaissent. Exactement. Super. Exactement. Écoute, j'ai pas choisi le sujet en fonction du tien, crois-moi, mais du coup, ça va être l'épisode de la loose. Ah, c'est un peu l'épisode de la loose tous les 5 épisodes. C'était pas le but, mais j'ai trouvé cet article et j'ai trouvé tellement intéressant parce que c'est vraiment un article qui reprend énormément de biblios, qui met un peu tout ça ensemble et qui va expliquer pourquoi et comment cette diminution d'oiseaux insectivores se passe dans le monde et quelles sont les possibilités de notre côté pour arriver à faire changer les choses. C'est quand même quelque chose qu'on a envie de connaître, finalement. On se dit, bon, il y a des problèmes, on nous bassine avec des chiffres de tous les côtés en disant, attention, telle espèce, elle disparaît, on n'a plus de tel insecte, tel oiseau, finalement, il n'y en a plus dans les villes, etc. Donc on a tous ces chiffres, on a toutes ces données, mais finalement, on ne les a pas toutes en commun pour nous dire, oui, mais vous pouvez faire quelque chose, et ça, c'est ce qu'on peut faire pour arriver à mitiger les problèmes qui s'abattent sur ces populations. Et donc ça, cet article, il est très bien pour ça. On va avoir plusieurs justement études qui sont rassemblées dans un seul papier, c'est grosso modo c'est ça. Oui, alors c'est ce qu'ils appellent un forum en l'occurrence. Donc le titre c'était Avian Top Down Effects on Insect and the Host Plant under Human Driven Global Change. Donc les effets des oiseaux sur les insectes et les plantes hôtes sous les changements globaux à cause de l'humain, en gros. Et donc, ils étudiaient ça sous le prisme de la disparition des espèces d'oiseaux insectivores, parce que là, on parle d'oiseaux et d'insectes, donc évidemment, ce qui va avoir une conséquence sur les populations d'insectes, bah, ça va être les oiseaux insectivores, principalement. Et on avait parlé, il me semble, dans un précédent épisode, des oiseaux qui disparaissaient, notamment des espèces insectivores. Et je crois que t'en avais parlé au niveau de l'Amérique du Nord, il me semble, parce qu'il y avait eu un compte qui avait été fait et on voyait qu'il y avait une diminution à peu près de 50% de toutes des populations de ces oiseaux insectivores en Amérique du Nord, et ça c'est plus ou moins la même chose dans le monde entier d'ailleurs. En gros, on a un chiffre qui est à peu près de 53% pour toutes les espèces d'oiseaux dans le monde entier, un nombre d'individus qui diminue à peu près partout, et ceux qui diminuent le plus, c'est les oiseaux insectivores, hein, comme d'habitude. C'est à peu près 60% de toute la population d'oiseaux insectivores qui ne sont plus là, malheureusement. C'est généralement voilà. Les oiseaux donc, les plus touchés parce qu'ils ne trouvent plus leur nourriture ou ce genre de choses-là. Hein, exactement. Et du coup, cet article-là déjà explique pourquoi et ensuite comment est-ce qu'on peut changer ça. Alors, il faut savoir qu'évidemment, les oiseaux, ils sont pas tout seuls dans leur écosystème, hein, ils sont liés au reste. Donc en l'occurrence, les oiseaux insectivores, ils vont manger des insectes, et les insectes qu'ils vont manger, c'est souvent des insectes qui vont avoir un effet sur les plantes, parce que ça va être beaucoup d'insectes comme des chenilles, par exemple, qui vont aller manger des plantes hôtes. Et ces plantes hôtes, parfois, ce sont des plantes qu'on va utiliser pour l'agriculture, et c'est pourquoi c'est super important, même quand on est agriculteur, finalement, d'arriver à préserver ces populations d'oiseaux, qui sont des oiseaux bénéfiques, dans ces cas-là, pour nos cultures, parce qu'ils vont prémunir les cultures de ces insectes ravageurs, qui pourraient facilement décimer toutes nos cultures. Très rapidement, d'ailleurs. Donc, c'est ce que l'article essaie de regarder, et pour ça, il va proposer un petit modèle. Donc, je vous partagerai l'article, il est en lecture libre sur internet, donc je vous mettrai le lien, il y a quelques graphiques, vous irez voir, et notamment il y en a un qui explique à peu près comment tout ça fonctionne, et il explique notamment trois problèmes qui sont liés à la fois au climat, mais surtout à l'homme, au final, qui vont toucher ces populations d'oiseaux insectivores. Alors, on les connaît, les problèmes habituels qui vont toucher ces populations d'oiseaux. On a la perte d'habitat, hein, comme d'habitude, parce que quand vous faites des développements, notamment pour l'agriculture, que vous coupez des forêts pour y mettre des champs, va y avoir de l'habitat qui va être perdu parce que les forêts ne seront plus là, par exemple, ou alors les zones humides ne seront plus là parce qu'on va les utiliser pour faire autre chose à la place, parce qu'une zone humide, généralement, c'est un nid à moustiques aussi et qu'on n'aime pas trop ça, donc on a tendance à le virer et à mettre autre chose à la place. Le problème, c'est que la zone humide, c'est généralement une zone de biodiversité et qu'il y a plein de choses qui vont disparaître quand on enlève cette zone-là, en plus des moustiques, évidemment. Et puis après, on a tous les problèmes de changement de climat, on en a parlé pas mal de fois sur la chaîne, où du coup il y a de la température qui augmente, il y a des problèmes que ce soit de sécheresse ou autre, qui vont arriver, des catastrophes naturelles, etc. Ça va pas aider non plus les populations d'oiseaux qui vont avoir du mal à s'adapter. Par-dessus ça, vous avez l'introduction d'espèces invasives, alors que ce soit des espèces de plantes, hein, ou des espèces animales. Les deux sont un problème. Il va falloir gérer ça à la fois pour les oiseaux, parce que les oiseaux, ils vont avoir peut-être être remplacés par d'autres espèces qui vont être plus compétitives, ou bien il va y avoir un prédateur qui va être introduit dans leur environnement, ou bien on va avoir des choses qui vont venir sur place, qui vont remplacer les insectes peut-être qu'ils ont l'habitude de manger, mais qui sont pas du tout comestibles pour eux, ou qu'ils ont pas l'habitude de manger, donc ils vont avoir du mal à s'adapter, par exemple. Donc il y a plein de scénarios comme ça qui peuvent être mis en place, sans compter par-dessus tout ce que l'homme apporte de lui-même, que ce soit par exemple les pesticides, ou tout ce qui peut être considéré comme un poison dans l'environnement, sachant que les pesticides comme le DDT ou les néonicotinoïdes, ce sont des pesticides qui vont endommager sévèrement les populations d'oiseaux, parce qu'ils sont toxiques pour les oiseaux, très très toxiques, donc ça peut conduire à la mort de l'animal. Vous avez avoir tous les métaux lourds qu'on peut relâcher dans l'environnement, qui vont aussi avoir des problèmes, qui vont donner des problèmes chez les oiseaux, hein, que ce soit par exemple le plomb, on en a parlé suffisamment de fois, et puis tout le reste, les métaux lourds, les microplastiques, etc. Vous avez les maladies, comme tu l'as dit, le botulisme, qui vont faire leur apparition parce que le climat change, et puis les maladies, ça évolue un petit peu. Il y a des trucs avant qui étaient restreints à des zones peut-être tropicales, qui peut-être vont pouvoir migrer un peu plus vers le nord, petit à petit, arriver absolument dans des zones où il n'y en avait pas précédemment. Ça arrive. Et puis nous, on a de la pollution aussi, que ce soit de la pollution lumineuse, dont on a aussi parlé pas mal de fois sur la chaîne, qui va empêcher certaines espèces de se reproduire correctement, par exemple. Des histoires de production d'énergie pour l'homme qui vont détruire de l'habitat, par exemple des champs de panneaux solaires, ou alors qui vont carrément tuer des oiseaux, comme des turbines d'éoliennes, qui elles sont des pièges mortels pour les oiseaux si elles ne sont pas faites correctement. Mais donc il y a tout ça. Sophie, Est-ce que cette étude n'est pas un résumé de 3 ans du courrier de la STER? C'est un petit peu. Un petit peu. Je veux pas te mentir, c'est un peu le cas. Mais du coup, ils listent tout ça et ils expliquent donc les possibles moyens de mitiger tous ces problèmes. On en a déjà parlé suffisamment, donc je vais pas revenir dessus. Mais surtout, ils expliquent les relations qu'on a entre donc ces espèces d'oiseaux et les insectes et les champs. Alors, j'imagine que tout le monde le sait, un oiseau insectivore va manger des insectes, insectes qui peuvent potentiellement manger des cultures. Ça, jusque-là, tout va bien. On est sur une relation trophique assez basique, hein, de proie-prédateur. Tout simple, avec un producteur primaire qui va être le truc que vous allez cultiver, mettons. Votre premier consommateur qui va être l'insecte, et puis vous allez avoir le prédateur qui va être l'oiseau qui vient manger l'insecte et qui du coup va sauvegarder votre champ. Et ça, quand même, c'est top. Merci, oui, sauf que. Merci. Sauf que dans l'article, il présente 3 scénarios. Alors, le premier scénario, ça va être un scénario où les populations d'oiseaux déclinent. Alors. Il y a plein de raisons que je viens de citer, hein, le changement climatique, les problèmes d'habitat, etc., etc. Ça fait que les populations d'oiseaux déclinent. Qu'est-ce que ça donne? Si vous avez un déclin dans ces populations d'oiseaux insectivores, vous allez avoir une augmentation des populations d'insectes, et du coup, vous n'allez plus avoir de régulation des insectes qui vont venir manger les champs. Donc on va avoir un petit déséquilibre ici, donc on va avoir plus de pertes en agriculture à cause de ça. Le deuxième scénario, c'est qu'on va introduire des insectes exotiques qui n'étaient pas là originellement, qui vont peut-être pouvoir venir détruire les champs aussi, et qui sont pas forcément mangés par les oiseaux du coin parce qu'ils ne les connaissent pas et qu'ils ne savent pas ce qu'ils mangent, tout simplement. Et le troisième scénario. La grenouille Goliath. Exactement. En Australie, qu'on avait réintroduit pour manger je ne sais plus quoi, pour manger les lapins, non? C'est pas ça? Non, on avait introduit renard pour les lapins en Australie, et oui. Ça avait pas marché. Mais pourquoi on avait réintroduit la grenouille, je sais plus. Je sais ou plus. Alors, on a introduit un autre prédateur pour contrôler la grenouille parce que la grenouille, on n'arrivait plus à la contrôler. Enfin, c'est le bazar. En Australie, on a introduit des tas de trucs, de toute façon. Voilà. C'était pas une bonne idée. À chaque fois qu'on introduit quelque chose, ça ne marche pas. Voilà. Donc ne faites pas comme l'Australie, n'introduisez rien. Merci. N'introduisez rien qui ne vienne pas de votre pays. Très important. Voilà. Soyez sympa. Et du coup, ça c'est les 2 premiers scénarios. Le 3e scénario, on a une intensification de l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Généralement, on va rajouter du pesticide qui va venir tuer les insectes. Oui, sauf que quand on a moins d'insectes, on a moins d'oiseaux. Et en fait, ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est que tu vas avoir une diminution très très rapide du nombre d'oiseaux parce qu'il n'y a plus rien à manger. Et derrière, tu vas te retrouver avec en fait beaucoup moins de possibilité de contrôler une invasion possible d'autres insectes ravageurs derrière, donc il va falloir que tu rajoutes des pesticides tous les ans, de plus en plus en plus, parce que tu auras de moins en moins d'oiseaux pour contrôler ce que tu n'as pas contrôlé grâce aux pesticides, ce qui fait que tu vas avoir une utilisation abusive de pesticides au bout d'un moment, et qui va tout tuer, et que de toute façon, ça va faire un peu cercle vicieux, avec de moins en moins d'insectes, et de moins en moins d'oiseaux, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Donc voilà, les 3 scénarios qu'il montrait dans l'étude, qui sont pas très réjouissants, je vais pas vous mentir. C'est la mauvaise fin, la très mauvaise fin et la fin de l'humanité. L'apocalypse. Donc, du coup, ce qu'ils expliquent dans l'article, c'est qu'on a plein de moyens de préserver ces populations d'oiseaux et qu'on devrait un petit peu faire gaffe, parce que si on veut pas arriver à un de ces 3 scénarios, le problème, c'est que ces 3 scénarios, non seulement ils peuvent pas, peuvent arriver tout seuls, hein, chacun des 3 scénarios peut arriver, indépendamment, mais ils peuvent aussi arriver tous ensemble. Et ça, c'est un peu la cata, parce que quand on combine le tout, et là, on a l'apocalypse. Voilà, ce qu'ils expliquaient, c'est que toutes ces relations trophiques, plutôt que de détruire sans y penser et juste rajouter du pesticide de plus en plus pour essayer de virer les insectes, parce que c'est vrai qu'il y a un effet immédiat. Si on l'utilise tout de suite, le pesticide, effectivement, ça va détruire l'insecte. Mais enfin, juste plutôt que de penser à l'immédiat, peut-être penser sur le long terme, parce qu'on a des moyens, comme on dit, la lutte biologique, on a des moyens de lutter biologiquement contre ces trucs-là. Et en fait, si tu décide juste de tuer les insectes, ça n'a pas juste un impact sur les insectes, ça a surtout un impact sur ce qui va aller au-dessus des insectes, en l'occurrence les populations d'oiseaux, mais pas que, parce qu'il y a aussi des chauves-souris qui mangent des insectes, enfin il y a plein d'autres trucs qui vont se nourrir de ces bestioles-là et qui du coup ne trouveront plus leur nourriture, donc tu vas déstabiliser tout ton écosystème en détruisant tes insectes. Et puis tu t'arrêtes aux oiseaux, mais en réalité les oiseaux vont être mangés par d'autres animaux, donc s'il n'y a plus d'oiseaux, etc., enfin on est sur une chaîne alimentaire qui risque d'être bouleversée. Mais comme on a déjà en Afrique, hein, finalement, avec les champs qui sont envahis par les criquets, mais comme on a éliminé les oiseaux à cause des pesticides, bah, du coup, les criquets, finalement, ravagent les cultures sans ménagement. Et donc, on se retrouve avec un cercle vicieux en disant bah, on n'a plus de nourriture. On n'a plus de nourriture. Mais, parce qu'il n'y a plus rien. C'est parce qu'il y a plus rien pour les réguler, quoi. Donc, exactement. Attention, c'est pas une critique de l'agriculture africaine qui est souvent encouragée à l'occidental, puisque justement les occidentaux vendent les pesticides comme des produits miracles ou ce genre de choses-là. Et donc bah, ces gens effectivement utilisent ces produits-là pour considérer comme solution miracle l'élimination des criquets et ce genre de choses-là. Sauf qu'ils n'ont pas la conscience, et c'est logique, hein, de l'engrenage qui se trame juste derrière, quoi. Oui, mais comme tu disais, le problème en Afrique, bon, alors pas dans tous les pays africains, ne généralisons pas tout de même, mais absolument, il y a quand même des invasions d'insectes ravageurs. Tu parlais des criquets, il y en a plein d'autres, mais on arrive à des moments où finalement on a balancé du pesticide, on a tué les insectes, mais on a aussi tué tout ce qui mangeait ces insectes au final. Et du coup, le jour où on a tout d'un coup une invasion massive d'insectes ravageurs, ben on n'a rien pour lutter contre. Et on n'a rien pour mitiger le problème, alors qu'on aurait pu avoir ce système de défense qui vous coûte rien au final. C'est totalement gratuit, l'oiseau. Totalement. Je vous assure qu'il vous a rien demandé, vous n'avez pas besoin de lui payer un truc pour venir protéger les champs et tout. Il vient de lui-même, tout seul. Ah il, bon, fait, il fait ça tout seul. Il tape pas au carreau pour demander de la nourriture comme le rouge-gorge. Je même comprends pas. Le rouge-gorge serait-il un mauvais jardinier, alors? Ah, peut-être. Qui sait, c'est peut-être... Faut-il payer le rouge-gorge pour qu'il agisse dans le jardin? Finalement, voilà, le rouge-gorge, c'est peut-être une cigale, tu sais pas. Non, mais pour en revenir de manière sérieuse, Sophie, est-ce que tu as justement discuté de ce genre de problème, puisque toi, tu travailles en Afrique, est-ce que tu as discuté de ce genre de problème et justement d'expliquer comment fonctionnaient ces relations trophiques, ces chaînes alimentaires, hein, pour simplifier, aux agriculteurs et aux agricultrices qui cultivent là-bas? Alors, leur expliquer directement, non, mais je sais qu'on a beaucoup de programmes d'enseignement qui vont s'adresser aux écoles et aux enfants, et parfois plus tard aux lycéens, voire même après post-bac, où on a une explication de comment tout ça, ça fonctionne, comment ça fonctionne les écosystèmes, et puis bah pourquoi est-ce que tout ça s'est lié. On avait un petit exercice assez sympa avec une ficelle, tout simplement, où on reliait tout le monde dans la classe, et puis on leur montrait, bah maintenant, s'il y en a un qui tombe, qu'est-ce que ça donne? Ah, bah, ça déstabilise tout. Donc, c'était pas mal. Mais les agriculteurs eux-mêmes, le problème, c'est que, après, c'est des considérations ethniques, mais, les problèmes qu'on a en Europe sont pas du tout les problèmes qu'on va trouver en Afrique, au niveau des communautés. En Afrique, c'est quand même, dans beaucoup de communautés, récolter des choses et arriver à nourrir sa famille, c'est quand même vachement plus compliqué qu'aller au supermarché en France et acheter un truc. Absolument. Donc, faut bien prendre en compte qu'il y a quand même d'autres problèmes sur place. Je pense qu'il faut pas discréditer les gens sur place non plus, parce que on sait pas comment ils vivent quand on est en Europe. On voit pas vraiment les problèmes sur place. Et plutôt que de leur dire il faut faire ci ou ça. C'est vrai que pour eux, quand on leur donne un produit comme ça, qui est un peu miracle, qui peut leur permettre de sauver leur récolte cette année-là, bah bien sûr qu'ils vont l'utiliser, parce que sinon ils ont rien à manger derrière. Ou ils ont pas moyen d'acheter quelque chose grâce à ça, ou de revendre et après d'avoir quelque chose. Donc c'est compliqué de leur dire, en fait non, tu peux pas l'utiliser, oui je sais que ça va te sauver ta récolte là, mais en fait si tu l'utilises, dans 10 ans ça marchera plus. Et bah oui, mais moi j'ai faim là tout de suite. Oui, mais moi j'ai faim tout de suite. T'es gentil, mais dans 10 ans, de toute façon j'y serai peut-être plus, donc voilà. Est-ce que le message est en train de se transmettre justement? Tu parlais justement de de comment dire, de cours qui sont donnés dans les universités, c'est ça, dans les lycées, si j'ai bien compris. Parfois, oui. Ok. Est-ce que ces messages commencent à être comment dire, quelque peu entendus, voilà, compris peut-être. Bah en fait, pour les faire passer. C'est compliqué encore de. Je sais pas si compliqué que ça. Okay. Et surtout, c'est beaucoup moins compliqué. On s'y attend pas au début, mais c'est beaucoup moins compliqué dans des communautés qui sont restées très très rurales, qui sont encore très très proches de la nature, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont des manières de faire dans ces communautés-là qui sont finalement des pratiques ancestrales et qui sont très tournées vers l'utilisation de la nature, mais l'utilisation raisonnée de cette nature. C'est un peu comme quand on te dit bah on va pas tuer d'animaux pendant la saison de repos, on attend un petit peu après quand on va chasser pour qu'ils soient un poil plus âgés et qu'on puisse prélever ben un jeune mâle par exemple qui a pas besoin d'être dans un troupeau ou ce genre de choses. Et ils ont déjà ces notions là dans ces communautés là parce que ça fait des années des centaines d'années qu'ils vivent dans cet endroit là, ils savent comment ça fonctionne la nature autour d'eux. Et ils ont déjà toutes ces notions-là. On n'a pas besoin de bâtir sur rien. Il y a déjà une base. Donc c'est beaucoup plus simple de leur expliquer que, bah ouais, mais en fait... Alors certes, t'as toujours fait comme ça et t'as toujours prélevé une cinquantaine de bestioles de cette espèce-là à tel endroit, à tel moment de l'année, mais en fait, à cause de telle et telle raison, bah il y en a de moins en moins. Donc il va falloir en prélever moins. Par contre, tu peux peut-être manger autre chose sur place qui va peut-être remplacer ton apport en protéines, mettons. Et voilà. Il y a aussi la notion de culpabilité, peut-être, aussi. Éviter la culpabilisation de ces groupes ethniques, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais qui ont peut-être, pour des dizaines, voire des centaines de générations, fait de cette manière-là. Et lorsqu'on arrive à ce moment-là, on leur dit « Ah ben non, il ne faut pas que vous fassiez comme ça, parce que ça pourrait mettre en danger l'espèce d'oiseau, ou qu'importe l'animal, ou autre. » Donc il y a aussi cette culpabilisation à éviter, je pense. Oui, bon, ça c'est pour tout le monde, je pense. La culpabilisation, on en a aussi pas mal en Europe. Parfois, on n'a pas forcément les moyens de faire autrement, donc bah on fait avec ce qu'on a. Ah, bien sûr. Et je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens. De toute façon, on a quand même tous, normalement, à moins qu'on soit vraiment hors du monde, mais on a quand même tous une petite conscience écologique et on est toujours nous en train de nous demander plus ou moins quel impact on va avoir en essayant de choisir le mieux qu'on puisse faire. Étant donné nos finances et notre niveau de vie. Donc, faut pas culpabiliser les gens, je pense que c'est contre-productif de toute façon. Faut plutôt essayer d'expliquer et d'apprendre et justement d'encourager peut-être d'une autre manière en accompagnant peut-être. Mais culpabiliser, ça, à mon avis, ça a jamais été la bonne méthode. Donc, grosse parenthèse, mais du coup, quelles sont les conclusions positives? Parce que du coup, il y a des choses à faire pour sauver nos oiseaux, nos insectes et nos champs. C'est les solutions habituelles, hein, tu sais. Remettre en place de l'habitat, par exemple les haies entre les champs. Typiquement, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait démocratiser. D'ailleurs, c'est fortement encouragé, d'ailleurs, au niveau de l'Europe. Garder les haies entre les champs pour offrir des habitats à plein d'espèces qui sont considérées comme utiles. Revirer les espèces invasives et l'éradication des prédateurs invasifs, par exemple. Essayer de contrôler un petit peu l'introduction d'espèces de plantes qui pourraient être invasives et qui pourraient du coup plus favoriser certaines espèces d'insectes qui ne sont pas forcément du coin et qui du coup n'aident pas du tout à la biodiversité locale. Je pense par exemple au Buddleia, l'arbre à papillons. Voilà. Je te fais confiance. Tout à fait par hasard. Après, le management, l'utilisation de pesticides corrects, essayer de vérifier les doses qui sont prescrites, ne pas en mettre trop, faire en sorte de pas le faire tout le temps, peut-être se tourner vers moitié pesticides, moitié solutions alternatives quand on peut, tu sais, pas forcément tout virer, parce que tout n'est pas forcément à enlever, mais essayer au maximum de temporiser un petit peu, et puis peut-être essayer aussi de gérer, bah, que ce soit pour son animal de compagnie, par exemple les chats qui peuvent être très dommageables à la biodiversité locale, essayer de gérer peut-être ça un peu mieux au niveau du particulier, voir quelles sont les solutions pour aussi ne pas avoir un trop gros impact sur ces oiseaux-là au quotidien. Et pour tous ceux qui font pour tous ceux qui vont chasser, par exemple, essayer de bien suivre les régulations de chasse, ce genre de choses, bien respecter les réserves. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire au jour le jour qui vont aider sur le long terme. Et je pense qu'on peut s'y mettre assez rapidement. Et c'est pas grand chose, mais ça peut aider petit à petit. Mmh. Sophie, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des épisodes de 50 minutes. Eh bien, nous y sommes de retour. Incroyable. Vous célébrez ça ? Champagne ? Bah, champagne, je ne sais pas. On peut célébrer le champagne pour les 500 abonnés sur YouTube, parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais effectivement, on a dépassé les 500 abonnés sur YouTube. Oui. Mais je ne sais plus, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, ça se trouve, je l'ai déjà dit précédemment, et les gens vont me dire, mais vous l'avez déjà dit, ça ? Mais oui. Il me semble qu'on ne l'avait pas dit. Mais voilà, c'est merci à vous tous et à vous toutes de nous écouter de plus en plus régulièrement dans le courrier de la Sterne. On espère que l'émission vous plaît. En tout cas, celle-ci se termine. Voilà, on n'a pas forcément évoqué que des choses très joyeuses, mais il fallait les évoquer. Merci Sophie de m'avoir accompagnée dans ce nouvel épisode. Merci à toi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les précédents épisodes toujours sur les plateformes de streaming et sur YouTube. Si vous avez des questions, eh ben, c'est aussi dans les commentaires sur YouTube. Vous pouvez aussi retrouver dans la description les différentes sources que nous utilisons pour nos différents... nos différents commentaires. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à partager l'émission si elle vous a plu. Voilà, je suis un youtubeur maintenant, je dis de partager notre travail. Voilà, abonnez-vous. voilà, abonnez-vous. Voilà, c'est le cap des 500 abonnés. Voilà, il faut être corpo maintenant. c'est ça le terme maintenant, d'accord. Je sais pas, il y a peut-être des opérations spé bientôt, on va vous présenter les nouvelles jumelles de Zeiss. Les OP, voilà. Ouais. Voilà, jumelles intelligence artificielle qui permet de ne pas reconnaître les oiseaux que vous voyez, c'est incroyable. Ça me casse tout le charme de la chose quand même. Hein. Du coup, on n'aura pas de PSP puisque je viens de détruire Zeiss, mais c'est pas grave. Ils avaient qu'à faire du meilleur travail sur leur jumelle à intelligence artificielle, puisqu'apparemment ça marche pas du tout. Hein. Il y a des ornithologues qui ont testé, qui ont dit mais ça marche pas du tout. Je comprends pas ma maison. C'est un corbeau. Enfin, c'est bizarre. Enfin, bref, voilà. Il y a des trucs bizarres comme ça qui se passent. Et ben le PPX, ce ne sera pas pour demain. Voilà. C'est dommage. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Rendez-vous la semaine prochaine. Promis, je m'y engage pour un nouvel épisode. Salut à tous et salut à toutes. À plus.